La Tontine par André Theuriet. On était au fumoir après dîner. Comme il y avait là des gens de finance, on vint à parler des assurances sur la vie. Quelqu'un s'extasia sur les progrès qu'avaient fait ces entreprises depuis l'époque où, sous Mazarin, l'Italien Tonti fonda les premières caisses de ce genre qu'on appelait des Tontines du nom de leur créateur. « Moi, messieurs, » dit Anaoué, j'ai connu très particulièrement l'un de ces derniers associés de la dernière Tontine, un vieux garçon nommé M. Levasseur, qui habitait depuis de longues années ma petite ville Tourangelle. Né aux environs de 1790, il avait 75 ans à l'époque où je commençais mon droit. C'était un vieillard très propre, au teint frais, à l'œil légèrement égrillard, sous d'épais sourcils à peine grisonnants. Redressant crânement, dans l'encadrement d'un large faux col, sa tête couronnée d'une forêt de cheveux blancs, lançant encore de vives œillades aux personnes du beau sexe, et puisant son tabac à priser dans une boîte ronde dont le couvercle était orné d'une miniature représentant une jeune dame fort décolletée. Il occupait dans la vieille ville une maison garnie de meubles datant de la Restauration, et il était servi par une gouvernante entre deux âges, répondant au nom de Jacinthe, qui le choyait, et se faisait aider dans sa besogne, par une fille de 17 ans, née de père inconnu, mais à laquelle le bonhomme Levasseur montrait une affection quasi paternelle. Lorsque je fus à la veille d'aller prendre ma première inscription, M. Levasseur me pria de passer chez lui, et dès que Jacinthe m'eut introduit dans son cabinet, il me dit « Maxime, mon garçon, puisque tu as habité la capitale, il faut que tu me rendes un service. J'ai ici un titre de la Tontine du pacte social sur lequel je n'ai rien touché depuis longtemps. Il y a 20 ans que je n'ai mis les pieds à Paris et je ne sais plus où perche l'établissement en question. Tu t'en enquerras, tu verras les administrateurs et ils te renseigneront sur les formalités à remplir pour obtenir le paiement des arriérages qui me sont dus. » En même temps, il me remettait une demi-feuille d'un papier grisâtre et grenu dont l'écriture avait jauni et en tête duquel on lisait « Tontine du pacte social ». Comme je me hâtais de plier le vieux titre et de l'empocher, en promettant à M. Levasseur de m'acquitter de la commission, il me posa sur le bras ses doigts courts aux phalanges garnies de bouquets de poils. « Un instant, » ajouta-t-il, « je n'ai pas fini. Tu demanderas aussi comment il reste de tête d'associé actuellement en vie, car si par hasard je me trouve être le dernier survivant, j'aurai à palper une somme assez ronde. Du reste, prends ton temps, tu me rendras compte de tout cela quand tu reviendras aux vacances de Pâques. » Une fois à Paris, j'eus d'abord tant de curiosité à satisfaire, tant de nouveautés à admirer, que je commençai par oublier la commission de M. Levasseur. Un matin, vers la fin de l'hiver, je retrouvai au fond d'une poche le titre de la Tontine. J'eus honte de ma négligence, je pris des informations, et ayant découvert que les bureaux de l'administration tontinière étaient situés rue Sainte-Anne, je m'y rendis après mon déjeuner. Dans ce Paris, si étonnamment riche en surprises et en contrastes, on fait à chaque instant les trouvailles les plus inattendues. Le rapide courant de la vie moderne, en renouvelant la physionomie de la grande ville, laissait subsister des coins étranges où se conservent intacts, comme en d'étroits îlots incessamment battus du flot nouveau, des mœurs et des figures d'autrefois, de vivants témoins d'une société qu'on croyait disparue. Au fond de la cour spacieuse d'un ancien hôtel du XVIIIe siècle, une large enseigne fixée au-dessous de l'entablement des fenêtres du troisième étage portait en gros caractères noirs sur champ gris « Administration des Tontines ». Après avoir traversé la cour au pavé herbeux, on pénétrait à droite dans un vestibule humide comme une citerne. On montait un monumental escalier de pierre à rampe de fer forgé et au troisième, on arrivait devant une double porte battante. Un écriteau manuscrit était accroché, répétant les indications de l'enseigne. Dès qu'on poussait la porte, il semblait qu'on entrait dans un logis qui aurait subi un enchantement pareil à celui de la princesse des vieux contes et qui se réveillerait à peine de son sommeil centenaire. Les fenêtres à petits carreaux ternis, les pièces lambrissées de boiseries peintes, les cheminées à trumeaux encombrées de paperasses, les parquets disjoints, étaient enduits d'une couche de poussière dont les atomes somnolents dataient certainement des premières années de la Révolution. Les grillages des bureaux, les tables de travail et pieds recourbés, les cartons des casiers devaient être contemporains des ministres Pache et Roland. Au-dessus des guichets rouillés, des pancartes jaunies annonçaient les attributions de chaque bureau. On y lisait « Molly en bâtarde, Qu'est-ce la farge, Tontine d'Orléans, Tontine du pacte social ». Les employés qu'on apercevait dans l'entrebâillement des rideaux d'étain semblaient eux aussi exhumés des cendres de quelque nécropole administrative de l'an 2. Engoncés en des redingotes vert olive ou tabac d'Espagne, posant leurs manteaux glabres sur de volumineuses cravates fripées, abritant leurs paupières rougies sous d'invraisemblables casquettes à visière verte, ils lisaient vaguement des gazettes que je croyais mortes de leur belle mort depuis un long temps. Le journal des villes et des campagnes, l'Union, l'écho des feuilletons. Une fade odeur tumulaire régnait dans ces pièces en enfilade, hermétiquement closes, et je songeais que si on eût eu, par mégarde, ouvert l'une des fenêtres, un courant d'air vif venu du dehors aurait inévitablement dispersé tous ces fantômes comme un tas de feuilles sèches. Derrière un poêle de faïence, un garçon de bureau, vêtu d'une lévite de castorine et qui paraissait au moins octogénaire, rangeait, avec des gestes tremblotants, des reliefs de volailles posés sur un vieux journal. Je m'adressai à lui, et d'un pas traînant, il me conduisit vers l'un des grillages, derrière lesquels se mouvait spectralement un vénérable employé aux bras protégés par des manches de lustrine. Ce dernier prit mon titre, compulsa d'antiques registres, et d'une voix fluette et chevrotante, me renseigna sur les formalités à remplir pour toucher les arrérages. Je lui demandai quel était le nombre des titulaires survivants. Alors il inclina de nouveau sa face parcheminée vers un répertoire qui tombait en lambeaux, tourna lentement les feuillets usés d'où s'exhalait une rance odeur de moisissure, et me répondit de sa voix d'outre-tombe « Il reste encore 20 êtres représentés par 33 ayants droit. » Là-dessus, je le saluai, je poussai les battants de la porte capitonnée qui se refermèrent sans bruit. Je redescendis le glacial escalier aux marches humides et fus presque étonné de retrouver dans la rue Sainte-Anne le mouvement, la vie, le réjouissant tapage du Paris moderne. J'allais passer les vacances de Pâques dans ma petite ville, et ma première visite fut pour M. Levasseur. À mon coup de sonnette, la porte me fut ouverte par la fille de la gouvernante. Cette jeune personne, qui se nommait Suzette, et qui courait alors sur ses 18 ans, me parut fort embellie. Elle avait de clairs yeux bleus, peu timides, une figure ronde, des lèvres très rouges, de magnifiques cheveux blonds rejetés en arrière et retombant sur le dos en une lourde natte. Elle m'accueillit par un espiègle sourire et m'introduisit dans le cabinet de M. Levasseur, que je trouvais, comme jadis, tiré à 4 épingles, rasé de frais et portant gaillardement ses 15 lustres. « Merci, » me dit-il, lorsque je lui rendus compte de mes démarches. « Ainsi, il ne reste plus que 33 ayants droit, moi compris. Voilà qui va bien. » Tous ces gens-là ne sont plus de la première jeunesse, et, au bas mot, il en mourra au moins 4 par année. De sorte qu'au bout de 8 ans, il se pourrait que je fusse seul à toucher le boni. Sais-tu à peu près quel en est le quantum? Autant que j'ai pu comprendre, le capital à échoir au dernier survivant serait de 300 000 francs environ. Mazette, poursuivit-il, c'est un joli denier, et parmi les surveillants, il est probable qu'il y a beaucoup de Parisiens. Or, Paris est une ville malsaine, où la mortalité est considérable, tandis qu'en province, en Touraine surtout, l'air est excellent et on y voit de merveilleux exemples de longévité. Je ne répondis pas. J'étais un peu choqué de la légèreté avec laquelle ce bonhomme parlait de la mort des autres. Il n'avait pas l'air d'admettre un instant qu'il pût se trouver compris dans les 4 victimes que son impitoyable statistique condamnait à mourir annuellement. À la vérité, il se maintenait vert et robuste comme un chêne. N'importe, la désinvolture avec laquelle il faisait bon marché de la vie de son prochain, tout en oubliant ses 75 ans, me donnait une singulière idée de l'aveuglement des vieillards. Leur cœur s'endurcit comme celui des vieux arbres. Plus ils prennent de l'âge, et plus ils se ramassent en eux-mêmes, n'ayant d'autres préoccupations que de prolonger leur existence. Le souci de leur propre durée leur met des œillères de chaque côté de la figure. La mort de leurs contemporains, loin d'être un avertissement, semble, grâce à un égoïste calcul, augmenter leurs chances de vivre, et elle devient pour eux comme une garantie de longévité. « Quand mon bail sera fini, » me disait un jour un octogénaire de ma clientèle, « j'irai habiter la province. » Or, son bail devait courir encore pendant 6 années. Je pris congé de M. Levasseur en réfléchissant mélancoliquement à ces bizarreries du vieil âge. Au moment où je traversais un couloir assez obscur, une main s'appuya légèrement sur mon bras et j'entendis, à côté de moi, la voix de Suzette. « Monsieur Maxime, murmura-t-elle, voulez-vous venir un moment au jardin? J'aurai un mot à vous dire. » Elle m'emmena dans un jardinet situé derrière la maison et nous nous assîmes sous une tonnelle de noisetiers qui commençaient à feuiller et à travers lesquels le soleil d'avril filtrait une menue pluie d'or sur la rose figure de Suzette. « Monsieur Maxime, reprit-elle, je voudrais vous demander, de la part de maman, si c'est sérieux cette tontine et si monsieur Levasseur a espoir d'en tirer quelque chose. Parce que voyez-vous, il nous a promis de nous porter sur son testament pour la somme qui lui reviendrait. » Elle aussi spéculait sur les éventualités de la tontine, mais je lui pardonnais. Elle avait une frimousse si mignonne et si enjôleuse. Je ne crus pas pécher contre la discrétion en lui répétant ce que je venais de conter au bonhomme Levasseur. Ma confidence, qui parut l'enchanter, établit tout aussitôt entre nous un courant d'intimité et laissant là le sujet de la tontine, nous nous mîmes à bavarder à tort et à travers. Nous parlions de tout, du printemps qui poussait sa première pointe, des violettes dont on sentait l'haleine suave monter autour de nous, de Paris qu'elle grillait de connaître, et aussi de la vie assez maussade qu'elle menait dans cette austère maison entre sa mère et M. Levasseur. De temps en temps, ses luisants yeux bleus me coulaient hardiment un regard curieux dont j'étais délicieusement troublé. J'étais fort timide de mon naturel. Suzette, au contraire, avait un aplomb et une familiarité qui me mettaient à l'aise. Elle s'exprimait facilement, assaisonnant sa conversation de locutions locales et de phrases de roman qui faisaient un piquant ragoût. Il y avait dans cette précoce petite personne un mélange de grisette délurée et de pensionnaire sentimental qui me grisait. Je commençais à être amoureux d'elle. Je le lui laissais voir avant de la quitter et il n'en parut nullement effarouché. Je m'en retournai à Paris avec ce commencement d'amourette dans la tête. L'idée de la tontine s'associait maintenant en mon esprit avec l'image de Suzette et les démarches à faire rue Sainte-Anne, que j'avais d'abord considéré comme une corvée, avait pris à mes yeux je ne sais quel charme. De mois en mois, j'allais voir les revenants de l'administration tontinière et aussi semblaient tout heureux de la distraction que je leur procurais. Leur somnolent bureau avait si rarement la chance d'une visite. L'employé aux manches de lustrine, préposé à la caisse du pacte social, m'accueillait comme une ancienne connaissance et de sa voix vieillotte m'annonçait, avec un sourire édenté, que dans le mois, il avait reçu avis de deux ou trois décès d'associés. Quand je revins chez moi, aux grandes vacances, il y avait 10 titulaires de moins, et j'eus la satisfaction d'apporter cette nouvelle toute chaude à M. Levasseur. Hé hé ! S'écria le bonhomme en se frottant les mains. « Cela réduit les participants à 23, moi compris. Voilà qui va bien. Et note, Maxime, que nous touchons à l'arrière-saison, qui est toujours fatale aux valétudinaires. Et puis, il peut survenir une épidémie. Il y en a souvent à Paris, et la plupart des têtes subsistantes vivent dans la capitale. N'y a-t-on pas signalé, dernièrement, plusieurs cas de choléra ?» Décidément, ce vieillard devenait féroce. Et ses façons de spéculer sur la mortalité éventuelle de ses co-associés me donnaient froid dans le dos. Je me hâtais, pour m'égayer l'esprit et le cœur, d'aller retrouver Suzette dans le jardinet. Elle m'avait vu venir et m'attendait avec impatience. Ses yeux étaient encore plus attirants qu'au printemps passé, et en échange des nouvelles que j'apportais, je ne manquais pas de l'embrasser, à quoi elle se prêta volontiers. Chaque fois que, sous prétexte de parler de la tontine, j'allais chez le bonhomme Levasseur, je pris l'habitude de cueillir ainsi, à la volée, un baiser ou deux. Tout le long des vacances, je flirtais avec Suzette, et les choses seraient allées fort loin si je n'avais été rappelé à Paris en novembre. Cet hiver-là, j'eus deux examens à préparer. J'allais dans le monde et je me dissipais notablement. Bref, mes journées étant prises par le travail et mes soirées par le plaisir, je pensais beaucoup moins à la tontine. Je ne retournais pas chez moi à Pâques, et ce ne fut qu'au mois d'août, après avoir subi mon premier examen de licence, que je songeais à pousser jusqu'à la rue Sainte-Anne, afin de rapporter quelques nouvelles à M. Levasseur. « Jeune homme, chevrota l'employé aux manches de lustrine, votre compatriote est né coiffé, nous avons eu beaucoup de décès cette année. Et tenez, oui, ma foi, il n'y a plus que 3 têtes, y compris la sienne. » Le train matinal qui m'emmenait le lendemain arrivait dans ma petite ville vers 1 heure après-midi. où, débotté, je résolus de courir chez M. Levasseur pour lui apprendre cette bonne aubaine. Laissant mes bagages à l'omnibus, je grimpai la rue montante qui conduisait au logis du bonhomme et je carillonnai gaiement à sa porte. Ce fut Jacinthe, la gouvernante, qui vint m'ouvrir. Elle avait la figure tirée et les yeux rougis. « Chut !» murmura-t-elle. « Ne faites pas tant de bruit. Ça va mal chez nous. Notre pauvre monsieur a attrapé un chaud effroi. Il est très bas et on l'a administré ce matin. »« Ah, mon Dieu, puis-je le voir ?» demandai-je, abasourdi. « Je crois que oui. Il parlait de vous encore hier et s'inquiétait de votre arrivée. Ne le faites point parler seulement. » Sur la pointe des pieds, nous gagnâmes la chambre à coucher du malade, que je trouvais en piteux état. Il avait néanmoins encore toute sa lucidité. Au bruit de la porte, il souleva ses paupières alourdies et me reconnut. « Monsieur Levasseur, lui dis-je, je suis désolé de vous savoir souffrant, mais vous êtes solide, vous reprendrez le dessus, et je vous apporte une bonne nouvelle qui contribuera à vous guérir. Je suis allé hier à la tontine. Il n'y a plus que trois têtes, vous compris. » Il remua les bras, agita son front sur l'oreiller, ouvrit démesurément ses yeux blancs, puis avec une expression navrée. « Fluxion de poitrine » murmura-t-il d'une voix presque inintelligible. Une faiblesse le prit, ses paupières se refermèrent, et il ne parut plus s'apercevoir de ma présence. Le lendemain, il était mort, il n'y avait plus que deux têtes sur le répertoire à coin de cuivre de la tontine. « Et Suzette ?» demanda quelqu'un. « Je ne l'ai plus revue, » répondit Maxime. « J'ai su depuis qu'elle avait assez mal tourné. L'argent de la tontine lui ayant glissé entre les doigts, elle a jeté son bonnet par-dessus les moulins de sa petite ville et, comme elle était jante de corps et sade de façon, elle a fait un joli chemin dans la haute galanterie. « Après tout, » ajouta quelqu'un, « c'est une tontine d'un autre genre. Seulement là, c'est le contraire. Plus il y a de participants, et plus on a de chances de gagner le gros lot. » Ainsi s'achève La tontine par André Theuriet.